émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Islem. Passez une bonne soirée, c'est la dernière de la semaine avec Islem pour son premier Planète Rap toute cette semaine. Ouais, c'était génial. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, là c'est le dernier soir, je vais profiter un max. Bon, ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, venu avec l'équipe habituelle. Exactement, Dany Sainté. D.A. qui est là. Fred, yes. Et Ablaï aussi. Et il y aura du live tout à l'heure. Non, Ablaï, il aime bien se jeter dans la foule en fait. Si vous allez au concert d'Orelsan, voyez, c'est un mec qui saute d'un seul coup, qui est capable d'être transporté d'un endroit à un autre par la foule. Il n'a pas peur de la foule. Non. Et il n'a pas peur de moi, ça veut déjà tout dire, tu vois. Je suis un monstre en vrai. Donc, je suis sur les dossiers. Ne sors pas les dossiers, je reste sage. Approche-toi du micro, Ablaï. Est-ce que tu as un petit dossier, un truc? Non. Je veux pas faire ça ici, quoi, aujourd'hui. Voilà. Non. Être gentil. Ouais, achetez le CD en tout cas. Il y a un truc de producteur d'un seul coup qui est en lui, qui surgit. C'est Ablaï. À n'importe quel moment, sur Skyrock entre 20h et 21h, ce soir, que va-t-il se passer pour cette dernière? Du live? Alors, pour cette dernière, il y aura du live piano-voix avec mon cher, très très cher Dany Sainté. Puis voilà. Et puis, on va aussi se rappeler ce qui s'est passé hier soir, puisqu'on a eu un gros Planète Rap avec beaucoup d'invités, et ça donnait ça en live. Je peux pas m'y faire, avec cette vie, je perds la terre. Il faut que je m'en aille. Je m'en aille. La vie de rêve m'obsède. Et cette routine qui m'observe. Non, il faut que je m'en aille. Je m'en aille. J'ai failli me faire enterrer par une maison de disques. J'aurais été plus à l'aise en tant que sans domicile fixe. Ça parle de rixe, de risque, remballe tes blèmes de riche. J'te jure que ça me ferait bander de me faire harceler par le fisc. Monte le son dans ton coupé sport, passe les rapports. Mes potos soulèvent raptor, moi j'soulève rappeur. Ça me déambule en roue arrière dans le XX. Le diable est parmi nous quand j'rajoute L dans Ibis. Voilà, avec là on entend des styles fraîches, mais il y avait aussi Esprit Noir, il y avait Fababy, Sultan, DA qui a aussi fait le live, participé au live. Du coup, ouais, super lourd, je suis très très contente et encore merci à eux. Et on les salue tous, et Sultan dont c'était l'anniversaire hier soir. Exactement, aussi. Ouais, j'ai eu l'occasion de lui souhaiter là pendant mon planète, ça m'a fait plaisir. Entre 20h et 21h, avant de parler de cette dernière soirée et surtout de l'avenir, puisqu'on va parler de l'avenir ce soir d'Islem, où ça nous mène un extrait, on débute avec Petit Bateau. Petit Bateau. Allez, coup d'envoi de Petit Bateau maintenant. Petit bateau qui a échoué dans mon cœur, il laisse un sentiment de peur. Petit bateau qui aujourd'hui navigue au milieu de tous ces paquebots pirates de la vie. Petit bateau, voyage sans loi ni peine, esquive-moi tous ces vieux ravios qui n'attendent que ta perte. Petit bateau, tu croiseras des sirènes, ne te jette pas à l'eau, elles ont du vice, méfie-toi d'elles. Parce que le À l'instant, Islem, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h sur Skyrock avec un extrait de l'album où ça nous mène. Et ben voilà, ça nous mène à ce Planète Rap et puis ça nous mène surtout à l'avenir maintenant, Islem. Ça nous mène, on verra bien où ça nous mène. C'est le message de l'album, c'est les conditions dans lesquelles on l'a fait avec Skred, Dany et toute l'équipe. Et on se disait, on verra bien où ça nous mène au final. Vous avez bien une petite envie quand même. Ah bah au final, bah là, ça me mène à Skyrock déjà, je fais mon Planète Rap. Et c'était déjà un rêve de gosse. Quand j'écoutais la radio, jamais je me serais imaginé être là pendant une semaine pour défendre mon album. Et c'est toi qui as tout dirigé, hein. T'as vu ça? On bosse, hein. Tu vois. Moi, j'ai été beaucoup assisté quand même de Dany, Skred, Abla, et franchement, ils m'ont beaucoup encouragé. Non, mais moi, c'était. Je suis fier d'elle parce que tu vois, l'amener où elle est aujourd'hui, sortir l'album. T'as vu comment elle a mené la baguette toute la semaine. Tu vois comment elle a préparé. Tu vois comment elle a bossé sur les réseaux sociaux aussi. Tu vois. Et ça, c'est avec les années. Elle a appris. Elle a été studieuse. Elle a compris plein de choses. Et voilà. Maintenant, je pense que l'avenir peut être que mortel pour elle. C'est sûr. T'as vu les invités. T'as vu ce qu'ils ont dit sur elle. T'as vu les morceaux. T'as vu. Ah bah ça rajoute d'ailleurs une pression supplémentaire, hein, Islem. Ça ajoute. ça ajoute une pression, mais aussi ça me donne beaucoup de force parce que. C'est pas comme s'ils ne m'avaient pas laissé faire le programme du Planète, choisir mes invités. Non, ils m'ont vraiment laissé carte blanche, donc ça prouve qu'ils me font confiance et qu'au final je suis capable. S'ils me font confiance, c'est que je suis capable, donc c'est flatteur aussi. Quoi. Toi, Skred, qui as bossé avec beaucoup de monde justement dans ce milieu, dans le milieu urbain, dans le hip-hop. Quelqu'un comme Islem, tu la vois aller vers où et je sais pas, d'ici une dizaine d'années maintenant. Tu penses qu'elle fera toujours partie du paysage? Tu penses qu'elle a un avenir? Parce qu'on, tu sais, on a toujours les discussions. Est-ce que c'est du R&B? Est-ce que c'est de la chanson? Bref, tu connais. Et voilà, je pense que Islem, si tu écoutes des morceaux comme Petit Bateau, comme Avec le Temps, ou voilà, tous ces textes, elle arrive à être dans un univers qui peut parler à beaucoup de monde. Donc je pense qu'en mûrissant, en vieillissant, elle pourra aussi faire évoluer sa musique. Et voilà, je pense qu'elle peut aller très très loin et durer très longtemps. Parce qu'elle n'est pas fermée dans un style du moment. On l'a dit, l'album a mis du temps à sortir, mais il y a des morceaux qui ont plusieurs années, on les écoute aujourd'hui, ils sont encore frais. Donc je pense qu'elle a le truc tout simplement, donc ça ne s'arrêtera jamais. Ouais, j'espère. Et sur l'écriture, t'écris au quotidien encore? J'écris toujours quand je peux, j'écris, quand ça me vient. J'écris des couplets, j'écris quelques phrases, puis je les termine au fil du temps. Ça peut être vite, ça peut être lent, ça dépend des humeurs, mais j'écris toujours. Mais t'es quand même acharné, t'aimes bien aller en studio, Bien sûr, mais quel artiste va te dire je n'aime pas aller en studio? J'aime pas la cabine. Ça dépend, je sais que j'aime pas les cabines. Non, mais il y a des gens aussi qui préfèrent même la scène, le studio. Moi j'aime tout. Je sais que le studio, c'est le côté où t'es dans ta bulle, t'es là, tu prépare ton projet pour le présenter aux autres, c'est ce qui vend en fait la scène. Et une fois que t'as bien vendu ton projet, ben là tu peux faire de la scène et kiffer encore plus et partager. C'est vrai que pour l'avenir, il y a la scène en fait. Bah oui. Ça, j'ai pas pensé. Mmh. Mais je pense que c'est une étape qui va être importante. Moi, je la connais en live en fait, puisque je l'ai vu en studio, je l'ai vu répéter des lives avec Dany, on a déjà fait quelques concerts, showcase ou autre, donc je sais ce qu'elle vaut sur scène, mais c'est vrai que les gens le savent pas forcément. Ça va être l'étape live, importante là. En live, c'est mieux que sur le CD. Il y a des artistes où c'est pas du tout le cas, tu sais. Donc je pense qu'elle pourra aussi emmener les foules dans les salles. Donc voilà, c'est tout ce que je lui souhaite et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Bah voilà, pour 2014, d'aller défendre cet album sur scène, où ça nous mène, d'aller faire partager cette musique. Exactement, j'espère donner à mon public ce qu'il attend et moi qui fais un maximum. Bon, on écoute un morceau de l'album maintenant? Ouais, on écoute Petit Bateau. Bah non, là, écoutez, Islem, allo, allo, petit bateau. Tu sais, le morceau qu'on a mis là juste à l'instant, c'était quoi? C'était Petit Bateau. Bah, on va mettre À quoi tu penses. À quoi tu penses? Un petit mot sur À quoi tu penses? Prod de Dany. À quoi tu penses? Je m'adresse à une amie. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce morceau, donc je vais laisser la magie faire les choses. Allez, on l'écoute maintenant sur Skyrock. C'est À quoi tu penses? C'est extrait de l'album d'Islem qui est dans les bacs depuis lundi. Suis-je la seule à le voir? matin qui t'égare. Tu respires les mauvais souvenirs. Une image, un délire, un sourire. Tu penses à... Infernal. J'ai l'impression que tout va mal. Tout va. Dis bye bye, bye bye, aïe aïe aïe. Comme un tremblement dans ta voix. Tes rêves enfermés dans une boîte. Et tu avances le regard vide. Sèche tes larmes des fous rires. Mais dis ce qui tourmente l'esprit. À quoi tu penses? C'est Islem, notre invité, entre 20h et 21h. Ça aussi, c'est un extrait de l'album. C'est à quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses, Fred, là? Dis-moi. Oula. Dis-moi à quoi tu penses, allez, on est chaud. Tu veux que je te dise la vérité? Ouais, dis-moi la vérité. À bouffer, j'ai la dalle. Amenez-lui à manger, comment ça on... Je te jure. Donnez-lui à manger. Parfois, j'ai l'habitude, et voilà. Mais sinon, tout va bien, je pense à toi. Et à ton album, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur parce que c'est vrai que je suis aussi ravi, aussi contente de voir la façon dont tu grandis, dont tu évolues. Et c'est vrai que l'album, en tout cas, on a une belle preuve de cette évolution. Merci. Donc je pense à toi. Merci. Même ça si j'étais en face de moi, mais je pense à toi. Merci. Et à tous ceux qui, tous ceux qui t'apprécient, qui sont nombreux à le témoigner. C'est vrai qu'il y a une team Islem qui est forte, qui est là, qui est puissante. C'est la meilleure team du monde. Perso, moi, ma team Islem, sans elle, je ne serais pas là non plus aujourd'hui parce que un artiste, c'est comme une voiture. Tu peux avoir la carrosserie, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si t'as pas le moteur, tu roules pas. Mmh. Un artiste, c'est la même chose. Si t'as pas un public, t'avances pas, quoi. Et là, ils te soutiennent. Mais on l'a vu en plus là sur. Déjà sur les commandes en digital, ça marche super fort, hein, ceux qui sont en train d'acheter l'album. Je suis très contente. Et puis il y a aussi en support physique, parce qu'on en a très peu parlé, on en parle de moins en moins, mais toi, je sais pas si t'es la génération qui télécharge, toi, non? Je suis la génération. Ou t'aimes bien avoir l'objet, justement? T'aimes bien avoir Des deux, disons que c'est des deux, j'aime bien plus l'objet, disons. Je suis plus physique que digital. Ah ouais, t'aimes bien. J'aime bien avoir la pochette. Ben là, vous n'allez pas être déçus parce que c'est un beau livret généralement et là, de plus en plus dans l'industrie du disque, les livrets se réduisent. Ouais, non, là, c'est un petit livret 12 pages. On a essayé de faire des photos, on a mis des paroles. Voilà, acheter le physique aussi, c'est pas interdit. Ben pourquoi pas, on peut le commander, hop, et après, voilà. Si on apprécie, on va aussi acheter le physique. Exactement. On mettra d'autres morceaux tout à l'heure, Issem. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as envie de passer ce soir dans l'émission? Alors, ce soir, on va passer... Quelle réflexion, Roulement de tambour. Waouh. Ah, c'est toi, tu fais glou-glou-glou-glou pour le roulement de tambour. On va passer Toucher le ciel ce soir. Toucher le ciel ? Ouais, c'est un petit son cool. Il fait penser à l'été. C'est le son un petit peu que j'écris quand j'avais la flemme. Mais il est de bon cœur, il est sincère aussi. C'est un peu les vacances. Voilà, t'as tout compris. Il y en a plein d'ailleurs qui sont en vacances, qu'on salue. Toi, c'était un moment que t'attendais quand t'étais en cours il n'y a pas très longtemps. Hein. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Il y a deux semaines, j'étais en cours. Ouais. C'est un truc de ouf. Je jongle, je Donc fais. Donc là, mais tu reprends lundi ? Ah, je reprends lundi l'école. Je retourne au lycée lundi. Comme n'importe quoi. J'ai pas capté aussi. Parce que pour moi, c'est vrai que tu repassais, mais un peu genre en candidat libre. Donc tu y allais. Non, je retourne. Tu y allais pas vraiment en fait. Tu attendais que ça arrive à la maison. Non, je retourne lundi à l'école. Ah oui, lundi, cours de quoi ? Pour commencer, tôt ? 8h maths. Ah ouais. Ça commence bien, ça. Ah, ça me fait plus rêver, ça m'a Pourquoi on parle de ça ? On est là pour parler d'où ça nous mène, lundi, voilà. Cours de maths, oh là là, ma pauvre Islem. Scred aussi, cours de quelque chose non, lundi matin. Du tout, moi. Cours de musique. J'ai charbonné, moi, c'est bon, j'ai donné. C'est bon, l'a donné, Scred, aussi. Dani, cours de vacances. Ouais, c'est bien aussi, c'est intéressant. Narguez-moi, vous avez raison, narguez-moi. Mais il y en a plein aussi. En plus, ouais, toi, comme t'étais la première zone en vacances, il y en a aussi aujourd'hui qui sont en vacances. Là, c'est leur première semaine de vacances. On a 15 jours tranquilles. Exactement. Profitez pour moi, profitez pour tous ceux qui sont à l'école. Et pensez surtout, à Islem qui elle va. Faites vos devoirs et tout ça. Va partir avec son petit cartable. Lundi matin en cours de maths. Voilà. Bon allez, on va revenir dans quelques minutes. Ne bougez pas, il y a un petit son, il y a la pub aussi et le retour d'Islem. C'est Planet Rap. 20h-21h sur Skyrock. Comme toi, Islem. A choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Islem, notre invité, encore pendant quelques minutes entre 20h et 21h. L'album s'appelle Où ça nous mène. Et on va écouter un morceau maintenant, Toucher le ciel. Exactement. À la production de ce morceau, moi-même et un ami, Matrix. Matrix. C'est une grosse dédicace. Et y'a pas Scred ? Non. Aux arrangements. Non, je suis pas dessus. Non. C'est un morceau qu'on a fait il y a très longtemps. Celui-ci s'appelle donc Toucher le ciel. On va le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Sinon, il est extrait de l'album d'Islem. On balance maintenant. Jolie journée ensoleillée, le soleil frappe l'instant, un extrait de l'album d'Islem qui est dans les bacs depuis lundi. Cet album à découvrir encore pendant quelques minutes avec du live qui se prépare tout à l'heure d'Anissin Teirao. Piano. Au piano. Voilà. Yeah, yes. Et vous ferez un live acoustique. On découvrira aussi un extrait d'un morceau de toi et Déa, c'est exactement, ça? Exactement, hein, on a fait une collaboration. Il a eu la gentillesse de m'inviter à Marseille pour tourner un clip. Il m'a très bien accueilli, très très bien mangé. Arrête de parler de ça. Arrête, arrête, j'avais oublié 30 secondes, arrête. Vous avez mangé quoi? Ouais, j'ai mangé une paella. J'ai mangé une super paella. Ah, les salauds. C'était voilà. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Oh là là. Oh, c'est un cadeau. C'est une magnifique, ça, la fête de Marseille. Toi, c'est la dernière année où on a été finaliste. C'est maillot de Ligue 2, ça. Ah, excuse-moi. Laisse-moi regarder. Tu vas le porter. Je crois que tu vas le porter. Faites voir, ça. C'est un maillot collector de Ligue 2, celui-ci. On fera encore rentrer des maillots de l'OM à Skyrock. Ah, écoute, magnifique maillot. Tiens, voilà. Scred, tu veux un cadeau? Moi j'adore. Tu sais, moi je suis cané, donc on peut pas aimer un truc. C'est une spéciale dédicace. Islem, plutôt PSG ou plutôt OM? Débrouille-toi maintenant. Ah non, non, même je pensais que t'allais être plus tranquille. Cash, direct PSG. Bah, quoi. Ouais, PSG au foot, c'est le PSG. Hein, alors derrière, on dit quoi? L'OM, c'est joli, c'est bien. Franchement, c'était super bien quand j'y étais, mais quand c'est du foot, c'est du PSG. C'est sa semaine. D'accord. Bon, alors pour revenir, parce qu'avant que ce petit coup bas arrive dans le studio, on parlait d'un morceau que vous avez enregistré donc ensemble à Marseille. Exactement. Et qui figurera sur un projet ou... Ouais, un projet qui est en préparation, qui est bientôt fini, pratiquement. Et voilà, restez à l'écoute. Voilà, ça sortira sur ton label Kimani Record. Kimani Record. Un morceau qui s'appelle Art de le dire, il faut préciser. L'Art de dire qui a été réalisé par Big Bent. On n'a plus à faire la biographie. Et ben on écoutera un extrait, on mettra un extrait pour garder aussi le suspense et l'intégralité du morceau quand il sortira. On mettra un extrait avant la fin de l'émission. Et là par téléphone, on est avec Veski de Nice. Allô Veski, ouais. De Nice, ouais, ça va bien? Ça va, ça va. En forme? Ça va, hein? Eh ben, je te présente Islem, c'est notre invité toute la semaine. Enchanté. Enchanté, Veski de Nice. Tu es prêt à rapper, toi? Ouais, ça marche. Allez, ça marche, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Originaire des terres d'Afrique, où tous les jeunes sont JN et voient la France comme un tas de fric. C'est pour mes frères Clando qui tentent de passer la douane sans se faire pécho par la hnouche poteau. Essaye d'oublier les soucis en fumant une marquise. C'est le bled où l'enfant règne sur la gourmandise, où le thème a une saveur exquise. Vers de thé à la menthe dans la rue, où les petits mettent à la menthe et les touristes pleins de thunes. Pour de l'oseille, ça vend des clopes au détail. Un peu plus loin, ça balaye les ML ou les attailles. Ici, le chien se cache de l'être humain par peur de se manger une bière à portée demain. Le vendredi, c'est la Jumu'a. Même les bandits vont à Algérie faire leur salade. C'est pas des salades, pas fait des salades, pas que des bons plats. Les filles bien seront discrètes dans la rue, baissent la tête, souris net. Ne prête pas le yoga, je te le répète. Ici, ça fume sur chef, Hassi, ou Tati. Et réfléchissent à quitter ce pays. Les touristes, le clairement, instituent ensuite ta plein coma. Fume le kiff, arrête de te tu kiff. Ça ou la peu, c'est kiff, kiff. Descends des montagnes du riz, à cheval, je suis vif. Toujours actif, comme un fugitif, maniaco, dépressif. Dès que je marche, ça fume de tête, j'ai du ménotif. Africain, noir ou beurre à vous, enfant fort, on jette une larme à nos pères. Tiraille, tiraille, tiraille, tiraille, tiraille, tiraille, tiraille. Veski, Veski, Veski, c'est bien lui, rappeur de l'ombre qui vient de tenir. On est sur taille pour un freestyle, représenter ça et la famille. Veski, Veski, Veski, c'est bien lui, rappeur de l'ombre qui vient de tenir. On est sur taille pour un freestyle, représenter ça et la famille. 222, gros puissant poteau. Comme la frappe à rouler, les gens de l'aile, tu peux pas taire, tout le monde nous connaît. Bien sûr, je me barre sur une quenelle, t'as la Dieu donné. Veski à l'instant, en hello. Freestyle dans l'émission. Merci à toi, Veski. Merci, merci. Ah bah, il est parti. Rien. Il est parti. De rien, je suis là. Ah ouais, tu veux passer une dédicace? On peut te retrouver sur le net, on t'écoute. Ouais, bien sûr. Dédicace à tous mes collègues, la famille, t'as Luca, à Chumbagar, t'as Rick Foot. Tout ça, la famille, Nico, Bibi, toute l'équipe, les gens de l'Est, mon petit frère, les cousins. Et voilà, toute l'équipe, quoi, bien sûr. Hein. Eh ben, merci à toi, Veski, à l'instant, en freestyle dans l'émission dans Planète Rap. Islem, on va passer un morceau, je crois, c'est le morceau avec Nesby maintenant? Oui. Ça, tu nous l'as fait en live en début de semaine. Exactement, maintenant, on vous passe la version On n'a pas entendu la partie avec Nesby. Voilà. Nesby qui est toujours aussi important, qui veille toujours un peu sur toi. Toujours. Toujours, toujours. Des appels, des SMS, d'encouragement. D'ailleurs, on lui fait un gros big up ce soir. Eh ben, on le salue, ouais, Nesbill. Et le clip, il est dispo, le street clip, il est dispo sur les réseaux. Besoin d'elle maintenant, c'est extrait de l'album Où ça nous mène. Et j'avance dans le noir, à contre-courant, je ne sais plus où trouver l'espoir. On m'attend au bout du tunnel, mais personne n'entend tous mes appels à l'aide. On m'éprouve à croire que tout repose sur moi, pourtant sans eux je suis mieux. Mais ai-je vraiment besoin de ça? La terre tourne, je tourne en rond avec elle, débordée par ma peine. Des larmes et des cris étouffés dans mes rimes d'elle. Rire et des vides, sourire hypocrite d'elle. Cerveau qui sature, des frères en filature d'elle. Amis qui te rassurent, des sentiers perdus d'elle. Des tourments qui ne prennent jamais fin. Devenir cinglé, j'en suis pas loin. Je m'efforce de garder les pieds sur terre. Les semelles déchirées à force les traîner dans la merde. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Et j'entends les sirènes au loin. Lorsque bébé dort, maman sèche ses larmes en vain. Elle m'attend, elle qui a tant souffert. J'ai pas su combler l'absence qu'a laissé mon père. Mais y'a pire, alors je calcule pas mes erreurs. Je ressens comme de la peur dans le regard de mes frères et sœurs. Ils me fuient, comment leur dire que j'ai de la peine, que c'est le désert dans ma tête. Help, help, où trouver mon nom, où trouver ma voix. Que faire pour qu'ils soient fiers de moi? Changer ma vie, décrocher la lune. Mais qu'est-ce que j'ai fait si j'avais su? Des tourments qui ne prennent jamais fin. Devenir cinglé, j'en suis pas loin. Je m'efforce de garder les pieds sur terre. Les semelles déchirées à force de les traîner dans la merde. La tragédie de la situation. Hémorragie interne, le cœur consumé par nos passions. La grisaline, gros pilon pour nos petits poumons. Bourré, on se cache pour pleurer, ainsi font les mauvais garçons. L'amour et l'espoir ne sont jamais loin. Aveuglés par l'obscurité du moment. Y'a pas de témoin, si je tombe, combien de soutien? Qui se souvient? Les paroles s'envolent, au final, y'a que les actes qu'on retient. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Voilà, à l'instant, besoin d'elle, extrait de cet album. Besoin d'elle. T'as l'air contente de ce morceau. T'as un grand sourire sur ce morceau. Grand sourire parce que c'est un morceau, faut le préciser, on l'a fait en one shot, Dany et moi. Piano voix direct. Et on l'a pas reposé, du coup, ça donne un truc propre. Donc on est assez content. Avec Nesbill, des nouvelles de Nesbill, il va revenir pour 2014. Scred, je me tourne vers toi, mais. Ouais, parce il bosse des trucs. T'es amené peut-être à avoir un peu plus d'infos. Ouais, mais j'ai pas le droit de parler. Bon, alors Islem, non? Tu sais pas non plus, toi. On sait tout ce qu'il bosse de son côté. Après, est-ce qu'il prépare quelque chose? Est-ce qu'il a sorti quelque chose? Ok, vous êtes au courant de rien, quoi. Non, on est pas au courant. Ah, les mythos ici. Il y a un truc à annoncer, je pense que c'est lui qui. Ouais, c'est à lui de le faire. Bon, il le fera, oui. Je pense qu'il sera, peut-être amené à le faire dans les mois ou peut-être les semaines qui viennent. J'espère. Dany? Oui. Si on allait faire un tour là-bas? Ah, au piano déjà? Bah oui, t'es prêt pour le live? On va essayer. Toi, t'es toujours prêt? C'est quoi comme morceau que vous allez nous faire maintenant, Issem? Qu'une histoire en live. Qu'une histoire, on l'a découvert cette semaine aussi, ce morceau. Ouais. Il est sur l'album. C'est la troisième partie de la trilogie de l'amour, ouais. En fait. Voilà, c'est bon, là, j'ai tourné la page, c'est fini. Ça, c'est. Voilà. C'est la fin. C'est la fin. Et donc là, c'est Dany Sainte qui s'en va tranquillement au piano. quand vous voulez maintenant pour ce live. On fera aussi tourner la roulette d'ici quelques minutes. N'hésitez pas donc à vous inscrire pour faire tourner vos messages aussi pour Islem avec le hashtag Islem sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Et on mettra aussi un extrait avec Déa dans quelques minutes. Il s'appelle comment le morceau que vous avez fait ensemble? L'art de dire. L'art de dire. Ce sera d'ici quelques minutes. Dany? Ah, je vois que Dany tire sur son casque. Il est pratiquement prêt. Tu nous entends, Dany? C'est bon? On voit un petit peu quelques notes comme ça, juste. Voilà. Ok, c'est parfait. Islem, tu es prête maintenant? Yeah. L'heure du live dans Planète Rap. Tous ces livres entassés, j'ai pas pris la peine d'ouvrir, toujours personne en face, mais c'est à mon fun que je souris, puis je me noie dans mes pensées, je me demande qui j'étais pour toi, jeune fille au cœur enragé, qui n'a pas su tourner la page, donc je m'en vais brûler ce livre dont l'histoire me démange, puis j'essaierai à l'avenir de ne plus goûter aux fruits de ta peine. Est écrite, est-elle l'alarme d'un ange? Il me suffirait d'un sourire pour pouvoir dissimuler toute ma haine. C'était qu'une histoire du rêve au cauchemar. C'est peut-être ton image qui m'empêche de tourner la page. C'était qu'une histoire, sans plus je repars. J'ai noyé ton image, j'arriverai à tourner la page. Tourner la page, tourner la page, tourner la page. C'est comme l'histoire d'une absence, j'avance seule dorénavant, mon cahier imbibé de larmes qui séchera avec le temps. Maintenant je dois tout oublier, faut savoir tourner la page, chronique d'une histoire bâclée. En plein désert je l'ai pris pour un mirage, donc je m'en vais brûler ce livre dont l'histoire me démange, puis j'essaierai à l'avenir de ne plus goûter aux fruits de ta peine. Est écrite, est-elle l'alarme d'un ange? Il me suffirait d'un sourire pour pouvoir dissimuler toute ma haine. C'était notre histoire du rêve au cauchemar. C'est peut-être ton image qui m'empêche de tourner la page. C'était qu'une histoire, sans plus je repars. J'ai noyé ton image, j'arriverai à tourner. Penser un peu à demain pour oublier son chagrin, car malgré ma peine j'y arriverai quand même. Le temps fera passer mon chagrin, j'irai me forcer la main. C'est peut-être ton image qui m'empêche de tourner la page. C'était qu'une histoire, sans plus je repars. J'ai noyé ton image, j'arriverai à tourner la page. Tourner la page, non. Tourner la page. Voilà un beau live, non? Beau live, merci, merci à Dany au doigt de fée, Dany au piano. Incroyable, Dany à l'instant au piano avec toi pour ce morceau qu'on retrouve aussi sur l'album, c'était la version acoustique à l'instant. Entre 20h et 21h, le Planète Rap d'Islem. Avant de se quitter, on va remettre un dernier titre. On va remettre un dernier titre et ben On va mettre un titre, je sais pas si on l'a passé dans la semaine, je sais pas si. Grande Sœur? Ah bah grande sœur, très bien. Grande sœur qu'on n'a pas passé, on l'a fait en live, mais on c'est une belle perfection en live parce que vous l'aviez jamais fait toutes les deux avec Awa. Ouais. On s'était pas entraîné, mais ça va, c'est passé crème. Comme celui-ci à l'instant. Exactement. Trop forte. Allez, on balance le titre. Hawaii Mani et Islem, ensemble en combinaison grande sœur. Avec la sienne et oublier toute ma rancœur. Là je me noie dans ma peine. Pourtant je croyais faire le bon choix. S'il te plaît grande sœur, aide-moi à tourner la page. Son sourire, ses vidéos, prise de tête stupide sans oublier les photos. Prends mon cœur en otage, perturbe ma vie. Malgré qu'il soit parti, tout reste à vivre dans mon esprit. Mon cœur veut qu'il revienne, n'en veux pas. Mon cœur me dit que je l'aime, mais mon esprit en a marre. Marre de ce beau je t'aime chuchoté dans l'oreille chaque soir. Marre, marre. Ici mensongère, mauvaise foi, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur restent en total désaccord. Là, j'ai peur de perdre tous mes repères. Si je suis ma tête, mon cœur se noie dans le remords. Ici mensongère, à trop mon bleu, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur essayent de trouver un accord. Là, j'ai peur de réellement le perdre. C'est fini, je le sais. Il ne va plus revenir. Que faire de ma vie s'il me jette? Je n'ai plus de raison de vivre. Mais avant lui, je l'ai fait. J'ai dit oublie-moi, oublie tout. Conséquence s'en suive. Je découvre la pire facette de l'amour. Petite sœur, tu fais les mêmes erreurs que moi. Ne perds pas ton temps, ne laisse pas ça. Et même ça tu ne le vois pas. Tu as tout donné, tu as tout misé sur lui. Il ne le voyait même pas. Regarde, il n'est pas là. Ici mensongère, mauvaise foi, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur restent en total désaccord. Là, j'ai peur de perdre tous mes repères. Si je suis ma tête, mon cœur se noie dans le remords. Ici mensongère, à trop mon bleu, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur essaient de un accord là, j'ai peur de réellement le pire. J'ai peur, ouais, j'ai peur. Il faut que tu vis pour le meilleur et pour le pire. Sans pour autant attendre cet homme qui te fait souffrir. Mais il reviendra, crois-moi, et ça, plus vite que tu ne le crois. Regarde-moi, j'ai pris le temps de prendre mon temps pour faire mon choix. Des larmes, j'en ai versé souvent. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Islam, cette fois-ci, écoute-moi. C'est Skyrock avec le Planet Rap consacré à Islem, grande sœur. C'est ce qu'on écoutait aux côtés d'Hawaii Mani pour pratiquement conclure ce Planet Rap. Mais là, il reste un extra patient. On vous l'a promis, c'est le morceau que t'as enregistré avec Déa du côté de Marseille. Un morceau qui va arriver là courant de l'année 2014. Dans courant de l'année, il va arriver. Clippé, beau gosse, tout. Un clip réalisé par Beat Bernd. Sur une prod de Achille. Et bah écoutons un extrait. Islem. Allez, c'est parti. Profitons de ce calme pour se parler sincèrement. Les derniers mots des dernières fois, c'est toujours là pour moi. Ta rage me manque, trop de moments où je me sens trahi. Ton absence est déjà lourde et les trahisons amplifient tout. Sale mélange, je te vois bien gratter, t'attends pas. En me disant vas-y fonce, tout le reste c'est des bêtises. Bien que je frise, les palpitations de cœur déconseillées. Car palpitations, liaison meurtrière, moi ton fils. Un goût amer réside en moi. Et en moi je me fais une guerre pour toutes les fois où j'ai préféré me taire. J'aurais dû te le dire pour vivre mieux. Parce que le temps se perd, Trop de fois je me suis mis ivre. Tu sais j'aurais voulu te montrer. J'aurais voulu te serrer. J'aurais voulu te dire. J'ai même pas la voix. Tu sais j'aurais voulu te montrer plus d'une fois. J'aurais voulu te serrer dans mes bras. J'aurais voulu te dire je t'aime même sans la voix. La situation ne compte pas. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Stop, stop, stop, stop. On est méchants à Marseille. Bientôt, t'es vilain avec moi, frère. Tu auras que ça. J'ai un tout petit bout. Et vous attendrez pour l'émission sur la chaîne YouTube Station Hip Hop le 30 avril, mercredi. Ah bah mercredi, tu balances ? Non, on balance le teaser. Il y a une interview, un petit teaser. Avec l'interview d'Islem sur le Facebook Station Hip Hop. Et suivez bien donc DA avec Islem, ça arrivera là dans les semaines à venir. Voilà. Et bah merci, merci à vous tous. Merci à elle, encore de la magie. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Viens gagner ton iPad mini, plus ta compil Planète Rap 2014. Salut Fanta de Lyon. Salut. Ça va bien Fanta ? Ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme, je te présente Islem, c'est l'invité toute la semaine. Et toi, tu viens conclure cette semaine aussi, Fanta, avec salut nous. Salut Fanta. Ah bah super, salut Islem. Prête à faire tourner, Fanta, on y va? Ouais, je suis prête, je suis allez. Avec des filles là. Avec? Je suis avec des amis à moi, donc on va tous crier en même temps. Allez, faites-nous un beau stop, les filles, c'est parti. Je reconnais bien là les réunions entre copines. Fanta? Oh là là, Fanta? Oui. C'est bientôt à Fanta de Lyon. Oui. Et bah c'est la totale pour toi. Non seulement il y a l'album Planète Rap, la clé USB et l'iPad mini. On conclut bien la semaine. Merci, merci, merci, merci, merci. C'est trop, trop cool. Ah, je suis trop content, c'est trop bien. iPad mini qui arrive à la maison, là, du côté de Lyon, pour bien conclure cette semaine. Voilà, c'est pour toi, Fanta. Merci beaucoup, merci. Je peux passer une petite dédicace ? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Eh ben, tout est chiffre avec moi, du coup Marilou, Vildane et ma Sera. Et puis, bah, tout ça, mes meilleurs amis et puis, bah, à vous, vous êtes de la bombe. Et ben, bah, toi aussi et tes copines, on vous embrasse. Passez une belle soirée, hein, les filles, je crois que c'est bien parti. Bisous. Ciao, bye. Ciao. Merci vraiment Islem. Bon bah un petit mot quand même. Vas-y, bah ouais, le petit mot de la fin. Je suis émue, c'est le dernier soir. Ça y est, l'album il est sorti, mm-hmm. Ça nous mène, il est enfin dans les bacs, ça fait longtemps qu'on l'attend. Donc je tiens à remercier Monsieur Scred, mon tonton préféré, voilà. Tonton Scred. Tonton préféré musical dans la musique, c'est un grand bonhomme, il m'a beaucoup aidé. Merci à Dani, mon ami d'enfance, merci à Déa, à Bly, merci à Ness, j'ai encore un gros gros gros big up à Nesbill. Merci à toute ma famille et tous mes amis qui m'ont soutenu tout au quotidien, toute la semaine. Il y en a des dans la salle, il y en a qui sont venus aussi durant la semaine. Je suis très très touchée pour le retour. Merci à ma team Islem et puis merci à toi Fred d'avoir animé jusqu'au bout. Bravo, bravo. Voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui sont derrière moi, à tous ces artistes qui m'ont boosté du début à la fin. Et voilà, qui sont passés aussi cette semaine. Qui sont passés, à tous mes invités qui sont passés, qui m'ont donné de la force, de près ou de loin. Merci beaucoup. Voilà, où ça nous mène, déjà dans les bacs, allez vous le procurer. Et puis la suite de l'histoire, j'espère, elle sera belle, mais elle se fera avec vous tous. Et bah, profitez de ce week-end pour récupérer l'album Où ça nous mène. Passe un bon week-end. Merci, toi. Bon retour lundi, 8h du mat. Merci beaucoup. Merci à vous tous, Dany, merci, tonton Scred. Merci à toi. Déa, merci. C'est quand tu repasses la prochaine fois. Merci à Blake. La semaine prochaine, gâché. Il est là la semaine prochaine. Avec qui? La semaine prochaine, c'est Rue, c'est Révolution Urbaine qui débarque. Non, mais en fait, je travaille. Bah voilà, ça. Mais j'essaierai quand même de passer leur faire un coucou. Mais je vais leur regarder ce magnifique t-shirt, ce magnifique maillot, pardon. Tu dormes avec? Non, je vais pas dormir, je le refilerai lundi. Donc voilà, je vais le garder pour lundi. Il rentrera à Marseille. Ah, voilà, il va retourner à Marseille parce qu'il a très envie de retourner à Marseille. Donc on va le renvoyer à la maison. La saison prochaine. Saison prochaine quoi? Rendez-vous la saison prochaine au foot pour voir. Ah, saison prochaine, d'accord. Bah, je dirais pas ce que Fab, supporter du PSG, m'a dit dans l'oreillette. Mais c'est une horreur. Et j'ai pas envie de me froisser quand même avec tous les Marseillais. On va te monter un maillot à toi aussi. Merci à vous tous, passez une bonne soirée. Tout à l'heure, il y aura la nocturne avec tiens, Esprit Noir qui débarquera dans la nocturne à partir de minuit, juste après la Radio Libre de Difool, Radio Libre qui arrive après ça. Ciao! Ciao!